Pona ba oyo ba baby selo va baninga Batika zola timbeli ba jena bango Vigilance, na era bolingo mota zola la te Soke sengi gu, na sapo na le fosfantrie na luka pa Patrick Zola l'international. Bye fait plaisir à Zola Zola ni sanga neti courant. Na soga nga na kangami, voici na kati courant eh. Yango bolala kate, matoi na bino kakawa. Eza mauvais signe. Patricia Zola, la femme. Bate Patrick na mata malola ngolo fita grave. Ezo joué volé à l'okolo ya chauffeur embriage à garde moto bolingwe koufate. Bonel Zola, Audrey Zola. Amour et bouki, résistance Et ti king écartement Serré bien vie, sa bat d'andresse Nati kala fanae Natambo la sena, fidélité Aboli moyo Maye Platini menga, Ogidi kabaka Na profite na yebisa yo Patrick Ezola Soki oko kaba Kaba mosolo pwe wota kabanke Kasi love Soki konyo kole nyo nga zinga Hervé Ngombo Gad Zola, Voldi Zola Ate ko sala pasi mena koyo kabien Itama na banza keza pona batanzo kamukala basa tima ya babizu Merci kona Lozana Ate ko sala pasi mena koyo kabien Itama na banza keza pona batanzo kamukala basa tima ya babizu Pistol Maza, Lode Mpongo, Jacques Delors Osi moninga innocent Obelisi e folie d'amour Moteme koti prison Ya kolinga yo makasi Boye bito mafungu Mama Marikama Quand tu me love tu m'assais Mama ya Zola C'est ça que je cherche Kanya na gauche mbeli na droite C'est ça que j'adore Palo vakana ki babate Reproche nga na berer nangay Prodigue nga ba conseil Encourage nga peso ki na mérite La jolie e banga Babi mwana moto Amour et bouki, résistance Et ti king écartement Serré bien vie, sa bat d'andresse Nati kala fanae Natambo la zena, fidélité A boli ngoyo Neutralise Patrick Jo Sankieme Neutralise Patrick Na nesesi ya boli ngoye Na makama kouoye Na boya bioka yoka La charbu la ima Na funda funda bade ture ya zola Ebi misi na sekre nyo so Bongo na chaka wae Bolingo pombi wapi Patrick Kisana sakya wae Sentiment pombi wapi Zola Kisana bosha wae Eli kalala Parli matono Neutralize ngai Neutralize Patrick Na nesesi ya bolingo wae Na makama kouoye Honorine Ngunduka Nakoma nifunda funda bade ture ya zola Elo Musa mambo mwango chaki wapi ayae Mungo na chaka wae Alexe Fumuti mbo mwango bombi wapi sherie Eza na sakya wae Bolingo bombi wapi parfait Eza na bosha wae Vincent Belanga Lolo Lolingo Nako sote na bombe lote Nanyoko mana deze na lukatama ya pinzole mawa Mimi limba emel Patresa mushine bakisiri susu dezere mawa Sheraye moi Junior Wemba Micho Manzingo Boku tampongo bandare kwe ya te Yo moto tobo la zero na mosa biyo kreo Komanga yo profesero la kisanga koza la biena bolingo loba Kombi moto pe pusu esensiel verse maya bie Jules Benzula Atabaza kochola isi fi mwenge kota posfantrie na linga kayo Neutralize ngai Sandra Bakutu Neutralize Patrick Na nesesi ya bolingo we na makama kouoye Na boya bioka yoka Shafi Japan Mbongo ngo chaki wapi odete Mbongo na chaka wae Santima obombi wapi chibambe Kisana sakya wae Bolingo obombi wapi zola Kisana posha wae Pakson Izebonga Neutralize ngai Neutralize magali tailo Na nesesi ya bolingo ui kangakama toye Na boya bioka yoka Nakoma bifuna funa baritura chéri Willy Viz visionnaire Jimmy Baote la leader Nami pa mwa mambuku Na se livre pa non ya ou Soko za la kina batout Adolf na koko maya yo Absolescence programme Fason zwele amour na ngay Ata na saliba effort Na zo vivre na dele Ndengo longo linga Loko la mvule longo la kamoye pleine journée Nga moto na meli miel, na kima poison Nzoka miel na melaki, ndeza poisonne Papa, meli na kolin na Mathias Becken, Humberto, Tatiana da Silva. Serge Boula, très important. Anderson, l'écoute au panneau géant. Grégory Poto, Myriam Poto,